L'Association de mesures pour les droits de l'homme en Corée du Sud a rendu public le rapport détaillé sous le titre « Les meurtriers cruels, auteurs de la catastrophe du paquebot Sewol, ne peuvent jamais échapper au jugement sévère ». Le rapport dénonce de nouveau la cruauté, la lâcheté et l'immoralité de la traîtresse Bakune et d'autres conservateurs sud-coréens, bande de barbares et pervers, à l'occasion des 3 ans de la catastrophe de Sewol qui a stupéfié le monde entier.